Chapitre 25e, Jeanne protégée. Tome 2e, chapitre 1er, Jeanne protégée. Maîtresse d'un pareil secret, riche d'un pareil avenir, étayée de deux appuis si considérables, Jeanne se sentit forte à lever le monde. Elle se donna 15 jours de délai pour commencer de mordre pleinement à la grappe savoureuse que la fortune suspendait au-dessus de son front. Paraître à la cour non plus comme une solliciteuse, non plus comme la pauvre mendiante retirée par Madame de Boulainvilliers, mais comme une descendante des Valois, riche de 100 000 livres de rente, avoir un mari duc et père, s'appeler la favorite de la reine, et par ce temps d'intrigues et d'orages, gouverner l'État en gouvernant le roi par Marie-Antoinette, voilà tout simplement le panorama qui se déroula devant l'inépuisable imagination de la comtesse de Lamothe. Le jour venu, elle ne fit qu'un bond jusqu'à Versailles. Elle n'avait pas de lettre d'audience, mais sa foi en sa fortune était devenue telle que Jeanne ne doutait plus de voir fléchir l'étiquette devant son désir. Et elle avait raison. Tous ses officiers de cour, si fort empressés de deviner les goûts du maître, avaient remarqué déjà combien Marie-Antoinette prenait de plaisir dans la société de la jolie comtesse. C'en fut assez pour qu'à son arrivée un huissier intelligent, jaloux de se faire bien venir, alla se placer sur le passage de la reine qui venait de la chapelle, et là, comme par hasard, prononça devant le gentilhomme de service ces mots. « Monsieur, comment faire pour madame la comtesse de la Mothe Valois, qui n'a pas de lettre d'audience ?» La reine causait bas avec madame de Lamballe. Le nom de Jeanne, adroitement lancé par cet homme, l'arrêta dans sa conversation. Elle se retourna. « Ne dit-on pas, demanda-t-elle, qu'il y a là madame de la Mothe Valois ?»« Je crois que oui, votre majesté, répliqua le gentilhomme. « Qui dit cela ? C'est huissier, madame. » L'huissier s'inclina modestement. « Je recevrai madame de la Mothe Valois, » fit la reine, qui continua sa route. Puis, en se retirant, « Vous la conduirez dans le cabinet des bains, » dit-elle, et elle passa. Jeanne, à qui cet homme raconta simplement ce qu'il venait de faire, porta tout de suite la main à sa bourse, mais l'huissier l'arrêta par un sourire. « Madame la comtesse, veuillez, je vous prie, accumuler cette dette. Vous pourrez bientôt me la payer avec les meilleurs intérêts. » Jeanne remit l'argent dans sa poche. « Vous avez raison, mon ami, merci. » « Pourquoi, se dit-elle, ne protégerai-je pas un huissier qui m'a protégé ? J'en fais autant pour un cardinal. » Jeanne se trouva bientôt en présence de sa souveraine. Marie-Antoinette était sérieuse, peu disposée en apparence, peut-être même par cela qu'elle avait trop favorisé la comtesse avec une réception inespérée. « Au fond, pensait l'ami de M. de Rohan, la reine se figure que je vais encore mendier. Avant que j'aie prononcé 20 mots, elle se sera déridée ou m'aura fait jeter à la porte. » « Madame, dit la reine, je n'ai pas encore trouvé l'occasion de parler au roi. « Ah, madame, votre majesté n'a été que trop bonne déjà pour moi, et je n'attends rien de plus. Je venais. « Pourquoi venez-vous ? Dit la reine, habile à saisir les transitions. « Vous n'aviez pas demandé audience. Il y a urgence, peut-être, pour vous ?»« Urgence, oui, madame, mais pour moi, non. »« Pour moi, alors, voyons, parlez, comtesse. » Et la reine conduisit Jeanne dans la salle des bains, où ses femmes l'attendaient. La comtesse, voyant autour de la reine tout ce monde, ne commençait pas la conversation. La reine, une fois au bain, renvoya ses femmes. « Madame, dit Jeanne, votre majesté me voit bien embarrassée. Comment cela ? Je vous le disais bien. Votre majesté sait, je crois le lui avoir dit, toute la grâce que met monsieur le cardinal de Rohan à m'obliger. » La reine fronça le sourcil. « Je ne sais, dit-elle. Je croyais. N'importe, dites. Eh bien, madame, « Son éminence me fit l'honneur avant-hier de me rendre visite. « Ah, c'était pour une bonne œuvre que je préside. « Très bien, comtesse, très bien. « Je donnerai aussi à votre bonne œuvre. « Votre majesté se méprend. « J'ai eu l'honneur de lui dire que je ne demandais rien. « Monsieur le cardinal, selon sa coutume, me parla de la bonté de la reine, de sa grâce inépuisable, et demanda que je protégeasse ses protégés. « D'abord, oui, votre majesté. « Je le ferai, non pour le cardinal, mais pour les malheureux que j'accueille toujours bien, de quelque part qu'ils viennent. Seulement, dites à son éminence que je suis fort gêné. Hélas, madame, voilà bien ce que je lui dis, et de là vient l'embarras que je signalais à la reine. Ah ! J'exprimais, monsieur le cardinal, toute la charité si ardente dont s'emplit le cœur de votre majesté à l'annonce d'une infortune quelconque, toute la générosité qui fait vider incessamment la bourse de la reine, trop étroite toujours. Bien, bien. « Tenez, monseigneur, lui dis-je, comme exemple, sa majesté se rend esclave de ses propres bontés. Elle se sacrifie à ses pauvres. Le bien qu'elle fait, lui tourne un mal et là-dessus je m'accusais moi-même. « Comment cela, comtesse ? » dit la reine qui écoutait. Soit que Jeanne eût su l'apprendre par son faible, soit que l'esprit distingué de Marie-Antoinette sentit sous la longueur de ce préambule un vif intérêt, résultant pour elle de la préparation. « Je dis, madame, que votre majesté m'avait donné une forte somme quelques jours avant. Que 1000 fois au moins, cela était arrivé depuis 2 ans à la reine, et que si la reine eût été moins sensible, moins généreuse, elle aurait 2 millions en caisse, grâce auxquels nulle considération ne l'empêcherait de se donner ce beau collier de diamants, si noblement, si courageusement, mais permettez-moi de le dire, madame, si injustement repoussé. » La reine rougit et se remit à regarder Jeanne. Évidemment, la conclusion se renfermait dans la dernière phrase. Y avait-il piège ? Y avait-il seulement flagornerie ? Certes, les questions étant ainsi posées, il ne pouvait manquer d'y avoir danger pour une reine. Mais sa majesté rencontra sur le visage de Jeanne tant de douceur, de candide bienveillance, tant de vérité pure, que rien n'accusait une pareille physionomie d'être perfide ou adulatrice. Et comme la reine elle-même avait une âme pleine de vraie générosité, et que dans la générosité il y a toujours la force, dans la force toujours la solide vérité, alors Marie-Antoinette poussa un soupir. « Oui, le collier est beau. » « Il était beau, je veux dire. Et je suis bien aise qu'une femme de goût me loue de l'avoir repoussé. »« Si vous saviez, madame, » s'écria Jeanne, occupant à propos la phrase, « comment on finit par connaître les sentiments des gens lorsqu'on porte intérêt à ceux que ces gens aiment. Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, madame, qu'en apprenant votre héroïque sacrifice du collier, je vis monsieur de Rohan pâlir. » »« Pâlir ?» En un moment, ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne sais, madame, s'il est vrai que M. de Rohan soit un bel homme et un seigneur accompli, ainsi que beaucoup le prétendent. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, sa figure, éclairée par le feu de son âme, est toute sillonnée de larmes provoquées par votre généreux désintéressement, que dis-je, par votre privation sublime, cette figure-là ne sortira jamais de mon souvenir. » La reine s'arrêta un moment à faire tomber l'eau du bec de cygne doré qui plongeait sur sa baignoire de marbre. « Eh bien, comtesse, » dit-elle, « puisque M. de Rohan vous a paru si beau et si accompli que vous venez de le dire, je ne vous engage pas à le laisser boire. C'est un prélat mondain, un pasteur qui prend la bubille autant pour lui-même que pour le Seigneur. Or, madame, eh bien quoi ? Est-ce que je le calomnie ? N'est-ce pas là sa réputation ? Ne s'en fait-il pas une sorte de gloire ? Ne le voyez-vous pas, au jour de cérémonie ? Agiter ses belles mains en l'air, elles sont belles, c'est vrai ! Pour les rendre plus blanches et sur ses mains, étincelant de la bague pastorale, les dévotes fixant des yeux plus brillants que le diamant du cardinal. » Jeanne s'inclina. « Les trophées du cardinal, poursuivit la reine, emportés, sont nombreux. Quelques-uns ont fait scandale. Le prélat est un amoureux comme ceux de la Fronde. Le loup qui voudra pour cela, je me récuse. Allez. » « Eh bien, madame, » fit Jeanne, mise à l'aise par cette familiarité, comme aussi par la situation toute physique de son interlocutrice. Je ne sais pas si monsieur le cardinal pensait aux dévotes quand il me parlait si ardemment des vertus de votre majesté, mais tout ce que je sais, c'est que ses belles mains, au lieu d'être en l'air, s'appuyaient sur son cœur. La reine secoua la tête en riant forcément. « Oui, Ida, » pensa Jeanne, « est-ce que les choses iraient mieux que nous ne le croyions ? Est-ce que le dépit serait notre auxiliaire ? Oh, nous aurions trop de facilité, alors. » La reine reprit son air noble et indifférent. « Continuez, » dit-elle. « Votre majesté me glace. Cette modestie qu'il fait repousser même la louange. » « Du cardinal ? Oh oui. Mais pourquoi, madame ? Parce qu'elle m'est suspecte, comtesse. » « Il ne m'appartient pas, » répliqua Jeanne, avec le plus profond respect, « de défendre celui qui a été assez malheureux pour être tombé dans la disgrâce de votre majesté. N'en doutons pas un moment. Celui-là est bien coupable, puisqu'il a déplu à la reine. » « Monsieur de Rohan ne m'a pas déplu, il m'a offensé. Mais je suis reine et chrétienne, et doublement portée par conséquent à oublier les offenses. » Et la reine dit ces paroles avec cette majestueuse bonté qui n'appartient qu'à elle. Jeanne se tut. « Vous ne dites plus rien. Je serais suspecte à votre majesté. J'encourrais sa disgrâce, son blâme, en exprimant une opinion qui froisserait la sienne. Vous pensez le contraire de ce que je pense à l'égard du cardinal ? Diamétralement, madame. » « Vous ne parleriez pas ainsi, le jour où vous sauriez ce que le prince Louis a fait contre moi. »« Je sais seulement ce que je l'ai vu faire pour le service de votre majesté. »« Des galanteries ?» Jeanne s'inclina. « Des politesses, des souhaits, des compliments ?» continua la reine. Jeanne se tut. « Vous avez pour M. de Rohan une amitié vive, comtesse. Je ne l'attaquerai plus devant vous. » Et la reine se mit à rire. « Madame, répondit Jeanne, j'aimerais mieux votre colère que votre raillerie. Ce que ressent M. le cardinal pour votre majesté est un sentiment tellement respectueux que j'en suis sûr, s'il voyait la reine rire de lui, il mourrait. Oh, il a donc bien changé. Mais votre majesté me faisait l'honneur de me dire l'autre jour que, depuis 10 ans déjà, M. de Rohan était passionnément... « Je plaisantais, comtesse, » dit sévèrement la reine. Jeanne, réduite au silence, parut à la reine résignée à ne plus lutter. Mais Marie-Antoinette se trompait bien. Pour ces femmes, nature de tigre et de serpent, le moment où elles se replient est toujours le prélude de l'attaque. Le repos concentré précède l'élan. « Vous parlez de ces diamants, » fit imprudemment la reine. « Avouez que vous y avez pensé. Jour et nuit, madame. » dit Jeanne avec la joie d'un général qui voit faire sur le champ de bataille une faute décisive à son ennemi. « Ils sont si beaux, ils iront si bien à votre majesté. Comment cela ?»« Oui, madame, oui, à votre majesté. »« Mais ils sont vendus. »« Oui, ils sont vendus. » »« À l'ambassadeur du Portugal. » Jeanne secoua doucement la tête. « Non ?» fit la reine avec joie. « Non, madame, à qui donc ?»« Monsieur de Rohan les a achetés. » La reine fit un bond et tout à coup refroidit. « Ah !» dit-elle. « Tenez, madame. » dit Jeanne avec une éloquence pleine de fougue et d'entraînement. « Ce que fait M. de Rohan est superbe. C'est un moment de générosité, de bon cœur. C'est un beau mouvement. Une âme comme celle de votre majesté ne peut s'empêcher de sympathiser avec tout ce qui est bon et sensible. À peine M. de Rohan a-t-il su par moi, je l'avoue, la gêne momentanée de votre majesté. Comment » s'est-il écrié. La reine de France se refuse ce que n'oserait se refuser une femme de fermier général. Comment ? La reine peut s'exposer à voir un jour Madame Necker parée de ses diamants ? Monsieur de Rohan ignorait encore que l'ambassadeur de Portugal les eût marchandés. Je le lui appris. Son indignation redoubla. Ce n'est plus, dit-il, une question de plaisir à faire à la reine. C'est une question de dignité royale. Je connais l'esprit des cours étrangères, vanité, ostentation. On y rira de la reine de France, qui n'a plus d'argent pour satisfaire un goût légitime. Et moi, je souffrirais qu'on raillât la reine de France ? Non, jamais. Et il m'a quitté brusquement. Une heure après, je sus qu'il avait acheté les diamants. 1 500 000 livres, 1 600 000 livres. Et quelle a été son intention en les achetant ? Que, puisqu'ils ne pouvaient être à votre majesté, ils ne fussent pas du moins à une autre femme. Et vous êtes sûr que ce n'est pas pour en faire hommage à quelque maîtresse ? Que M. de Rohan a acheté ce collier. Je suis sûr que c'est pour l'anéantir plutôt que de le voir briller un autre col qu'à celui de la reine. Marie-Antoinette réfléchit, et sa noble physionomie laissa voir son nuage tout ce qui se passait dans son âme. Ce qu'a fait là, M. de Rohan, eh bien, dit-elle, c'est un très noble et d'un dévouement délicat. Jeanne absorbait ardemment ses paroles. Vous remercierez donc, M. de Rohan, continua la reine. Oh oui, madame. Vous ajouterez que l'amitié de M. de Rohan m'est prouvée, et que moi, en honnête homme, ainsi que le dit Catherine, j'accepte tout de l'amitié à charge de revanche. Aussi, j'accepte non pas le don de M. de Rohan, quoi donc alors, mais son avance. M. de Rohan a bien voulu avancer son argent ou son crédit pour me faire plaisir. Je le rembourserai. Beumère avait demandé du comptant, je crois. Oui, madame. Combien ? 200 000 livres ? 250 000 livres. C'est le trimestre de la pension que me fait le roi. On me l'a envoyé ce matin d'avance. Je le sais, mais enfin on me l'a envoyé. La reine sonna rapidement ses femmes qui la vièrent, après l'avoir enveloppée de fines batistes chauffées. Restée seule avec Jeanne et réinstallée dans sa chambre, elle dit à la comtesse « Ouvrez, je vous prie, ce tiroir. Le premier ? Non, le second. Vous voyez un portefeuille ? Le voici, madame. Il renferme 250 000 livres. Comptez-les. » Jeanne obéit. Portez-les au cardinal. Remerciez-le encore. Dites-lui que chaque mois je m'arrangerai pour payer ainsi. On réglera les intérêts. De cette façon, j'aurai le colis qui me plaisait tant, et si je me gêne pour le payer, au moins je ne gênerai point le roi. » Elle se recueillit une minute. « Et j'aurais gagné à cela, continua-t-elle, d'apprendre que j'ai un ami délicat qui m'a servi. » Elle attendit encore. « Et une amie qui m'a deviné, » fit-elle en offrant à Jeanne sa main sur laquelle se précipita la comtesse. Puis, comme elle allait sortir, après avoir encore hésité, « Comtesse, » dit-elle tout bas, comme si elle avait peur de ce qu'elle disait. vous instruirez, monsieur de Rohan, qu'il sera bienvenu à Versailles, et que j'ai des remerciements à lui faire. » Jeanne s'élança hors de l'appartement, non pas ivre, mais insensé de joie et d'orgueil satisfait. Elle serrait les billets de caisse comme un vautour sa proie volée. Chapitre 25e. Jeanne protégée.